Dead Mouse s'écrit Dead Mau 5, M-A-U 5, et comprenez Dead Mouse pour souris morte. Et nous avons affaire là à un artiste canadien de musique électronique orienté vers les styles electro house, progressive house et techno. Son vrai nom est Joel Zimmerman, comme Bob, mais il a aussi utilisé le pseudo Alcyon 441. Il s'est fait connaître pour des titres tels que Faxing Berlin, Not Exactly ou encore Arguru. Si ça ne vous dit rien, tant mieux, vous allez pouvoir vous rattraper maintenant sur Couleur 3. Live Act, le live de Couleur 3, 22h, 23h. Vous écoutez Live Act sur Couleur 3. Ce qui entre dans votre conduit auditif depuis tout à l'heure s'appelle Dead Mouse, un concert enregistré live à l'Oxygen Festival de Dublin en 2009. Make it.

Je profite des applaudissements pour vous rappeler qu'on écoute Deadmau5 en concert dans Live Act aujourd'hui et que son dernier album sorti cette année s'appelle For Lack of a Better Name. Et c'est reparti. We'll be right back.

Couleur 3, live act 22h, 23h. Aujourd'hui, on se fait le concert de Deadmau5, enregistré cet été à l'Oxygen Festival de Dublin. Sometimes things get We'll be right back. Live Act pousse son dernier souffle pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 22h pour un fabuleux concert de Dead Weather, le dernier projet de Jack White. Oui, après la souris morte d'aujourd'hui, c'est la météo qui y passe. En attendant demain, Pierrick et Rodolphe vous souhaite une bonne nuit. Colard 3. Verdon, 23h. Pretoria, minuit. Lisbonne, 22h.